n'avais jamais connu ni patrie ni patron. Donc bonsoir à tous. Ah, ça va pas commencer comme ça. Il n'y a pas de problème, Léna. Non, mais là, j'ai deux voix, ça va pas commencer. Il n'y a pas de voix, Gérard. Non. Moi, j'ai deux voix, je suis désolé. Ça va pas commencer. Déjà, vous éteignez là. Sinon, j'arrête le débat. Ça y est, j'ai éteint. Non. Non, j'ai toujours deux voix. Non. Si, moi, je te dis. Et attends, je parle, il n'y a pas de voix, là. Non, peut-être toi, mais moi, oui. Et c'est la même chose. Bon, c'est pas grave. On va faire le débat comme ça, mais ça ira pas loin. Jean-Paul, bonsoir. Oui, bonsoir Gérard. Vas-tu bien? Ça va. Patrick. Ça? Patrick! C'est pas ça? Oh, quelle voix, quel relou. Sophie, bonsoir. Salut. Salut. Bob. Bob! Je suis en train de le rappeler. Bon, ok. Laure. Oui, salut Gérard. Salut. Karen. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. T'as pas regardé ce matin? Bob est là. Allô, bonsoir. Salut Coco. J'ai mis derrière. Ça va mon poulet? D'accord, encore un habituel. Mais non, mentor, c'est pas moi, je suis pas un habituel, promis. Non, non, presque pas, presque pas. Il n'y a pas d'habituel, Gérard. Il n'y a aucun habituel. Il n'y a aucun habituel. Il n'y a aucun habituel, comme le dit l'accueil. T'as compris? T'as compris? Sinon tu vas casser. D'accord? Non mais qui coule, Gérard, ce soir? Oh, t'énerves pas, Gérard. Gérard, tu te calmes. Ah non, mais Gérard, tu vas pas nous faire le coup de je me tire et je parle plus. Gérard, ça va être clarinette, tu poses ta première question. Tu baisses d'un ton, Gérard, ce soir, d'accord? Gérard, on est là pour faire un débat. Gérard. Et puis pas grossier, Gérard. Oh, vous vous taisez déjà? Ça commencera à. C'est venu poli, c'est bien. Bon, mais attendez, je vous ai dit tous bonsoir, donc vous la fermez maintenant? Ça y est, redeviens mal poli. Non, non, mais je vous ai dit bonsoir. Je vous ai dit bonsoir. Bonsoir, connard, Gérard. Alors, toi, Bob? Quoi? Non, non, mais je viens de reconnaître ta voix, donc tu viens d'être. Non. Eh bien, Gérard, il reconnaît qui? Il reconnaît les gens, il est très fort, il reconnaît des gens qui sont passés pour la première fois à l'antenne. Bon, ça y est, vous avez pas commencé. Je suis qui, Gérard? Et on t'a reconnu, Bob, en fait, t'es malaire. Non, mais attends, tu fais un duplex. Quand est-ce que tu reviens, Gérard? C'est pour ça que Gérard a l'habitude de sa voix. Mais non, c'est Arthur, en fait. C'est qui, celui qui vient de me demander si je suis pas malaire? C'est Patrick. Ah, d'accord, Patrick. D'accord? Quoi? Non, rien. Non, tu finis. En fait, c'est malheur, je l'ai découvert, Gérard, pour toi. Ouais, c'est malheur. Pour l'instant, vous la fermez. Allez, pose ta question. Pose ta question, Gérard. Bon, attends, si je veux. Grouille ton petit anus, là. Bon, attends, c'est pas toi qui me commande. Ouais, d'accord. Allô? De quoi? Alors, rien. Oui? Non, non, mais derrière vous, si vous avez du monde avec vous, vous la fermez. Ouais, vous la fermez. Ok. Ok. Hein? Moi, allez, première question, Gérard. Je suis contre la différence d'âge. Moi aussi, parce que je pense que les gens qui naissent la même année devraient pas avoir le même âge. Exactement. Mm-hmm. Moi, je suis pour l'hétérosexualité. Moi, je suis contre la bisexualité. Mais sauf à la loco. Bon, c'est pas le thème du débat. Le thème du débat, c'est pourquoi c'est les vacances. On a besoin de repos, on a besoin d'être débarrassé de Gérard, l'ami de Gérard, ça suffit. Gérard, je peux parler? C'est Jean-Paul. Je veux dire que ton débat qui tombe bien parce que moi je suis en vacances aujourd'hui. Bah ça me fait une belle jambe. Tu vas pas dire ça me fait une belle jambe, Gérard. Attends Gérard, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Gérard, vous écoutez régulièrement? C'est Bob. Je voudrais dire que moi je suis pour les vacances parce que les vacances. Non, moi je suis contre. Max il s'en va et il emmène Gérard avec lui et bon débarras. Et Bob, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi. Bon, moi, je suis contre les vacances. Ah, je pense que Gérard pourrait nous faire une petite intro de son débat histoire qu'on commence. Voilà, exactement. Parce qu'il est 2h. Oui, je me demande si Gérard sait parler. Non. Oui. Non, mais. Ça reste à vérifier. Bon, Gérard pose ta question. À part se faire enculer, il sait pas faire grand chose. À la loco. Non mais il a déchiré les photos en plus. Allez Gérard, pose la question. Ouais Gérard, vas-y. Bon Gérard, la question. Allez, la question. Là, ah ça y est, ça recommence. Je te donne mon D, mon D. Les débats de GG. C'est quand tu veux Gérard. Non mais quand ils auront fini de jacter, là je pourrais jacter. Mais ouais mais Gérard. Vas-y Jacques, allez maintenant. Non mais maintenant tu vas la fermer. Tout le monde va poser ta question. Je te donne mon D, mon A, mon R, mon D. Je te donne autre chose à la vie. Tu suces des rennes. Quoi? De manière, Bob, pas Patrick et Jean-Paul, vous êtes des habituels. Je vous ai reconnu, stop. Eh ben, Gérard, je te jure, comment tu veux me reconnaître? Je suis jamais passé sur Non, attends. Non, attends. Eh, Bob, tu peux passer pour Tony. Patrick, tu peux passer pour Arnett. Et Jean-Paul, tu peux passer pour David. C'est bien, Gérard. Gérard, c'est des mecs qui sont jamais passés. Donc si t'es pas content, dès qu'on te met un mec, c'est un habituel. Donc on va pas faire débat si tu veux personne. Ils ne sont jamais passés. Non mais déjà, quand je commence à annoncer les noms, je voudrais bien qu'on la ferme. Mais quand je veux passer, ils disent bonjour. J'ai déjà dit bonjour depuis tout à l'heure. Maintenant, si on s'amuse à vouloir déconner, c'est pas la peine. Bon, la question maintenant. Ouais, la question, Gérard. Allez, Gérard, la question. Vas-y, la question. Oh, les puceaux, vous allez vous la fermer. Il y a le puceau qui vous parle, là. Mais il veut bien les dépuceler aussi. Non, la puceaux, vous allez... les puceaux, là, vous allez vous la fermer un petit peu. Et les puceaux, alors là, on s'en fait. Mais Gérard, tu t'étonnes de pas attirer les filles, mais si tu leur dis les puceaux aussi, c'est pas étonnant. Ouais, si t'es désagréable. Ouais, qu'est-ce que tu pensais, d'abord? Ça marchait, hein. Il y a Laura sur Minitel qui... Laissez Gérard poser sa question. Il y a une question sur Minitel. Allez, on laisse Gérard. Oui, il y a Laura qui demande si t'es pas parano des fois. Laura, t'es bien gentille. Depuis le temps que tu t'as mise sur Minitel, laisse ton numéro, on va te rappeler. Et tu vas me poser ça en direct. Allez, la question maintenant. Alors maintenant, pourquoi partez-vous en vacances? Parce que Max, comme ça, il s'en va aussi, on est débarrassé de Gérard. Ouais. Et vous croyez que... C'est malin? Non. Non, mais je vous demande. Gérard. Oui. C'est Jean-Paul. Oui. Moi, je dis que quand on part en vacances, c'est que par définition, on est fatigué à la fin de l'année et qu'on a envie de voir autre chose. Ouais. Et ça permet de se reposer. D'accord. Oui, tout à fait. De Gérard. D'ailleurs, il y a Gérard, il y a Yo-Yo sur Minitel. Attendez. Il y a Yo-Yo sur Minitel qui t'invite 15 jours en vacances avec lui sur l'île de Pédos en Grèce. Voilà. De toute manière, sur Minitel, les gens, c'est même pas... Château de la Loco, c'est pas les vacances, c'est la routine. Ouais, bah, c'est ça. Toi, mon pote, tu vois que je suis vachement... Je t'ai reconnu. Mais arrête tes conneries. Non, mais vous amusez pas à changer de nom, parce que les chiottes de la Loco, les mecs, je vous reconnais. C'est pas parce que tu suces tous les vendredis, toujours les mêmes que... C'est bon, maintenant, vous la fermez. Déjà, tu la fermes. Toi, tu vas te la fermer. Non, sale hétéro. Eh, où est-ce que tu pars en vacances, Gérard, en fait? Ça te regarde pas. Moi, je pars à Suresnes. Tu pars à Ibiza. Moi, je pars sur la Côte d'Azur. Moi, c'est Bob. Florent, il m'a conseillé de partir à Suresnes aux 30 rues et je dirais pas la suite. Attends, Bob. Vas-y. Oui. Florent, t'as conseillé quoi? De il partir aux 30 rues, quoi? De partir à Suresnes aux 30 rues et je dirais non, pas non, la non, non, non, continue, continue, non, continue. Continue. On va pas donner ton adresse à l'antenne, Gérard, donc on arrête avec ça. Alors, déjà, tu te trompes, parce que Florent, il a jamais donné mon adresse sur l'antenne. Non, mais il me l'a donné hors antenne, Il l'a vendu, c'est un dealer d'adresse. Ouais, c'est ça, t'as raison. Gérard, tu vas commencer ton débat, et comme le dit Seb Lafri, je sais pas quoi, sur Minitel, Gérard, arrête de te prendre pour le centre du monde, tu n'en restes pas moins le trou du cul. Eh ben, c'est bien. Donc recommence ton débat et vas-y. Alors, je viens de poser la question, pourquoi partez-vous en vacances? Gérard, c'est Patrick, moi je vais visiter les monuments préhistoriques et je vais commencer par la grotte à Christine. Gérard, violence. Oui, c'est qui? Stop. Alors, oui. Moi c'est Karen et les vacances c'était pour s'éclater. Mm-hmm. Et je suis d'accord avec Karen. Je suis d'accord avec toi, Karen. Comment tu fais pour t'éclater, Karen? Ah bah, avec des copains, on fait la fête, on boit. Gérard, ça va te voir. Est-ce que tu t'éclates en vacances, Gérard? Gérard, je suis jamais parti. Mais non, il est hétéro. Non, Gérard, il se fait éclater, je crois. C'est ça, ouais. Mais c'est pas en vacances. Tu pars en vacances, Gérard? Non. À Nanterre, de Suresnes à Nanterre. Non, il part à Armentières. Attends, de Suresnes à Nanterre, comment tu sais que je vais à Nanterre? Attends, Lascar qui vient, Bob. Ouais. Tiens, Bob, comme c'est toi qui viens de poser cette question, comment tu sais que je vais à Nanterre? Caramel, laisse ton numéro sur Caramel. Caramel, bonne nuit. Non. C'est Arnett qui me l'a dit, il part avec toi. Ah ouais? Et comment tu connais Arnett? Non, c'est Bob. Gérard, tu trompes Tony avec Arnett, c'est ça? Ouais. Et Luigi n'est pas content. Mais c'est pas moi, Luigi. Les feux de Gérard. Ouais. Continue. Bon, tu peux dire aujourd'hui avec qui tu pars en vacances. Avec François, avec Carole. Ouais, avec François, avec François. Avec François et Christine. Avec Carole aussi. Et Aurore. Alors. Si Gérard se souvient d'Aurore. Alors, attendez. Là, je vous préviens d'une chose. Non, vas-y, deux. Non, non, mais je vais vous prévenir d'une chose. Vous allez laisser. Les nanas Françoise, tranquille. Pourquoi elle est Christine, cool, Carole, Aurore, je veux plus en entendre parler. Ah, c'est, clair c'est clair et net. C'est clair et net. Oui, très clair, très clair. Clair et net. Stop. Est-ce que c'est vrai, Gérard, que c'est toi qui as bouffé la culotte à Françoise dans les chiottes de... Oh, tiens, de là. Oh, c'est Gérard. Gérard. Mais non, ça pue tellement l'Antarctique. Que... Tu préfères Henri? Henri, il m'a bouffé le string. Gérard, non, non, Gérard, te pars pas, ça va puer l'Antarctique. Il y a Yo-Yo sur Minitel qui demande si t'emmènes ta chèvre en camping. Hey, et lui, pourquoi qu'il emmène pas son taureau? Parce que lui, là, il mène, là. Ouais, bah alors qu'il me fasse pas chier. Traiter Christine de chèvre, c'est bas quand même. Bon, bah moi j'arrête, c'est tout. Quand vous arrêtez. Non, mais j'arrête. Allez, Gérard. Non, je veux pas te savoir, j'arrête de parler de Christine. Mais tu poses pas de questions, faut bien qu'il parle de quelque chose. Dans ce cas-là, il la ferme. Mais c'est clair et net. Et s'il la ferme, il y a un blanc à l'antenne puisque et tu dis rien. Dans ce cas-là, il laisse Christine, Aurore et Françoise. Ok. Bah parle alors. Ce temps, moi ça va aller vite. Moi j'ai tout arrêté. Mais non, Gérard, arrête pas. Gérard, on... Bah, me faites pas chier. Gérard, tu peux poser ta deuxième question. On arrête maintenant. Gérard. Donc, vous répondez aux questions de Gérard, bah, et vous lui demandez avant ce qu'il veut que vous répondiez. D'accord. Après, il sera d'accord avec vous. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? La démocratie, selon Gérard. Toi, tu la fermes. Mais calme-toi, Gérard. Vous allez vous la fermer. Mais Gérard, calme-toi. C'est les vacances, quoi. Gérard, il est tout ce que les filles rêvent. Douceur, efficacité. Politesse. Politesse. Les vacances, c'est fait pour être cool, alors calme-toi. Gentillesse. Alors détends-toi, Gégé. Odeur. Alcool. Un physique de rêve. C'est Gérard. Surtout au niveau de l'anus. Bien musclé l'anus. Photo à l'appui. Ouais. Eh ben les photos tu les enverras, d'accord? T'enverras les originaux, mon petit. Eh moi je les ai pas, j'ai pas internet. Hein. Les photos. Mais... T'enverras les originaux. C'est toi qui les as déchirés, moi j'en ai pas des photos. T'enverras les originaux, s'il te plaît. Mais Gérard, est-ce qu'on voit la queue? T'enverras pas, comment les originaux. Je l'envoie, Gérard. Deuxième question. Le débat d'abord. Deuxième question. Ouais. Okay. Ça y est. Deuxième question. Tu peux répondre à la première au moins. Non, mais attends. Mais t'as déjà été fait, non? Non, mais laisse. Non, allez, c'est lourd maintenant. Deuxième question. Non, allez. Déjà, celui qui a du bruit derrière, tu as déjà baissé? Tu vas t'enfermer. Ah, ça, c'est pas moi. Ouais. Gérard, c'est vrai que tu vas à Tchernobyl en vacances? Mais non, c'est la mec qui est né. Non, il en chien. Partez-vous seul ou avec votre copine? Je pars On part seul. Ouais, bah, moi seul. Qui part seul? Moi, Jean-Paul. Non, de toute manière, c'est pas toi qui vient de répondre, c'est une fille. C'est Karen. Ouais. Je pars seul. Oui, mais moi aussi, c'est pas parce que c'est pas. Parce et tu pars où, Karen? Je pars où? Bah, ouais. Je sais pas, Saint-Jean-de-Mont. Oh, l'autre, il veut se caser, je crois pas. Saint-Jean-de-Mont, c'est où ça? Ouais. Bah, c'est en Vendée. En Vendée. Ouais. En Vendée. Eh, vas-y, on rentre la drague. Hein. Stop, 5 minutes. Le fou du puits. Je voulais pas le passer, mais il insiste parce que c'est pour te défendre. Oh, Caramel! Ouais, bonjour, Caramel! Salut, les auditeurs de Fun, et surtout, salut à Gérard. Moi, je voudrais dire. Et Caramel, t'es toujours sous Exta? Qui c'est qui te permet de dire ça, toi? Gérard, ouais, c'est pas la gueule, il passe pour te défendre. Ça, c'est ton vrai nom. Gérard, c'est ton ami, Caramel. Bon, Gérard, Caramel, on t'arrête. Vas-y, Caramel, extrême. Caramel, c'est bon. On t'arrête Caramel là, dans la loco. Ouais, les vacances. Et Caramel, arrête de changer. J'adore le soleil, les cocotiers, le sable. Partir avec Gérard, tout bronzé. Gérard? Cool, les écoute pas, ils sont trop méchants avec toi. Vous êtes des pas beaux parce que vous partez pas en vacances. Moi et Gérard, on va partir en vacances comme tes amis parce que je suis l'ami de Gérard. Et tu t'en vantes, connard. Bien sûr. Allez, le débat. Cool, la giboulette. Ça y est, vous avez... Gérard? Ça y est? Oui. Ça y est, vous avez fini vos conneries? Bah non, c'est des coups-parins, j'ai recommencé. Gérard? Quoi? C'est Bob, je voulais dire que moi je pars seul parce que je suis comme Gérard, j'ai pas trop le choix, quoi. Ouais, bah moi non plus, hein. Oh, la violence, ouais, moi non plus. J'ai le droit de lire les messages Minitel. Bah, vas-y. Accrochez-vous. Parce que y a Jean-Marc qui dit que pour lui, les vacances, c'est quand tu fermes ta gueule. Bah, tant mieux. Dans ces cas-là. Et il y a Phil qui te demande, à part gueuler, tu sais faire quelque chose d'autre. Non, mais attends. Dans ces cas-là, les gens, s'ils sont pas contents sur Minitel, au lieu de dépenser les sous à papa et à maman, que ça leur coûte trop cher, eh ben, qui reste chez eux, qui pose pas de questions. Moi, les vacances, Gérard, c'est tout. Chez eux au Minitel. Pour moi, les vacances avec Gérard, c'est quand il ferme les fesses. C'est qui dit ça? C'est qui vient de dire ça? Bah, est-ce qu'il faut que je le dise vraiment? C'est qui vient de dire ça? C'est Arnett. Non, mais allez, Allez-y, bah, parce que de manière... C'est David. Non, c'est non, moi. Mais... Ouais, non, mais attendez, vous rigolez que je vous ai pas reconnu, là, Jean-Paul et Patrick Bravo, et Bob. Bravo, tu es trop fort. Vous croyez, non, Gérard, vous croyez moi, que... Tu reconnu, non, non, mais allez-y. Tu as gagné premier prix de sodomie. Oh, Gérard, tu as gagné là-dessus. Ouais, c'est malin. Allez, Gérard, troisieme question. Non, mais voilà. Pour un sens, allez, troisième question, maintenant. Bien, non, ouais. Mais vous allez répondre tous à la deuxième. Ok. Bah, c'est bien, on a répondu. Jean-Paul, j'ai bien répondu, non par nécessité. Sophie. Eh ben ouais, ouais, je passe seul, mais je vais non, retrouver non, les copains. Bon, je t'ai dit, il y a juste Laure qui est partie, j'ai mis Caramel à la place. Mais, ouais, Caramel, mais Caramel et Anne-Sophie sont là. Non, mais c'est Anne-Sophie. Oui. C'est Anne-Sophie, maintenant. Eh bien, moi, je pars seul, mais je vais retrouver des copains. Ah ouais. Voilà. On n'a pas le droit de mettre une Anne-Sophie, Gérard. Maintenant, non, tu as interdit Anne-Sophie. C'est bizarre, parce que moi, je n'ai que Sophie sur ma fiche. Eh ben non, mon prénom, c'est Anne-Sophie. Ouais, ben. Bon, tu m'as posé ta question, maintenant. Je viens de la poser. Gérard, elle a le droit de s'appeler Anne-Sophie. Bah, oui, Gérard. Non, mais Anne-Sophie. Il croit que c'est un mec qui s'est transmis. Hé, GG. Tu t'es arrêté, il gueule. Oh là là. On verra la fin. Eh, hey, vous avez voulu le taire ? Elle a le droit de s'appeler Anne-Sophie, puisqu'il s'appelle Borico Gérard. Maintenant ! Maintenant, vous allez répondre à la, 3 à la question que je viens de poser, c'est la 2. Ouais, le seul cas. On a déjà répondu, là. On a déjà répondu, alors. Parce que tu vas nous dire qu'il y a un ordre dans ta question à la con. On passe à la 3ème, là. Dans ce cas-là, mon pote. Attends. Celui qui vient de dire que c'était des questions à la con. Ta gueule ! Eh, hey, ça va. Allez, vas-y, Gérard. Cool, devinez qui. Allez, je suis Gérard, enchaîne. Derrière moi. Voilà. Voilà. Gérard ? Bon. Ah. Ça y est ? La star est revenue. Enfin. Non. Alors ? Ça y est, il y en a un qui est sur un circuit de Formule 1. Ah ouais, j'ai l'impression. Il y en a un qui joue à Tarzan. Alors ? Ça te fait rire, hein ? Allez, Gérard. Quelle bande de caves. Eh, il y a Phil sur Minitel qui me fait un super deal. Il me file 10 000 francs si on dégage GG. Bah ouais. Bah dans ce cas-là, bah tu partages qui vient de prendre ma place, le Phil. Bah ça c'est le Phil de Fun Radio. Non. Bah tu en as peine. Bah non. Oh, tu rêves. Bah non, tu rêves. Pas de type de fun. Tu rêves. Mais c'est parce qu'il est dans la radio qu'il met des messages sur Minitel. Tu rêves, il est dans ton bureau, il est en train de faire du Minitel et il se fait... Bah ouais, on peut répondre aux questions, Gérard. Merde, Gérard, troisième question. T'inquiète pas, il y en a deux qui sont là et qui s'amusent allez, à faire des clowns. Allez, on continue, troisième question, Gérard. C'est moi qui décide maintenant. Non, c'est toi qui décide si je veux. Bon, Gérard. Je veux le carreau cul. Non, à la loco seulement. Et alors partez-vous à la mer ou en camping? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, en camping, moi je pars en montagne. Attends, ouais. L'autre qui répond, qu'est-ce que ça peut? Bonne nuit. Mais non, mais attends, hey, Gérard, remets ton casque et écoute-nous. Attends, je vais t'expliquer un truc. Explique ta question. Vous partez à la mer ou au camping? Moi, je pars en camping à la mer. Voilà, tu peux partir au camping et à la mer, Gérard. Ton micro, ton casque, merci. Ok, bah le débat de Gérard est fini, on va mettre un disque. Non, non. Et il y en a un autre super à faire avec On fait la fête. Ouais, on va faire la fête, ouais. Et on fait un blind test. Ça y est. Enfin, un karaoké. Ouais, un karaoké. Non, donc... Il est parti, le trou du cul. Et un petit peu de respect pour l'enculé, quand même. Un petit peu, quand même. Laissez connard, Gérard. Non, mais vous bougez pas, vous réfléchissez à la question et on revient tout de suite après ça. Il est vu. Vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté lieu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Donc, c'est toujours bonsoir à tous. Rebonsoir à tous. Donc, la suite du débat donc, de la libre antenne. Donc, avec 0803-08-5000 et 0803-70-5000. Pour les Belges, c'est 0331-99-5000 et 3615. Code. 79-5000, mais je ne suis pas habitué. Et donc, 3615, code rubrique direct. Et il y a quelques changements, donc on a toujours Karen, on a Jean-Paul, on a Patrick, on a Alan qui a remplacé Anne-Sophie, on a Bob et on a Caramel. D'accord. Ça y est, 92. Eh ouais, quel QRZ. Mais Vic. Le QRZ à GG. Gérard, vous aimez les chiens. Eh, c'est Caramel, tu peux répéter les numéros, on n'a rien compris. Si t'as pas compris, pourquoi tu l'as composé? Non, mais ça fait un moment. Oh la violence. Tu l'as depuis longtemps, mais t'entends rien. Ouais. Et Gérard, on va arrêter d'être sérieux, on va décoller un petit peu maintenant. Ouais, voilà, parce que jusque-là, on était sérieux. Non, non, mais maintenant, vous allez être sérieux, parce que sinon, je vais arrêter le débat à 2h30. Gérard, pour finale, Gérard, j'ai une question. Ouais, vas-y. Toi, tu voudrais partir en vacances? Moi, nulle part. Pour l'instant, je pars pas. À Turin. Tu vas faire des débats toute l'année comme ça? Non. Et Gérard, je voudrais t'expliquer un truc. Oui. Tout à l'heure, t'engueulais les gens du standard parce que t'as dit quand t'as appelé au 0870-5000, ça t'a raccroché, ça t'a même pas décroché. Mais c'est logique, c'est l'eau pour tout le monde, ça. Quand t'appelles et qu'au bout de 15 sonneries, ça répond pas, ça décroche automatiquement. Et ben voilà. Ouais, c'est ça, t'as raison. Faut être un peu T'as raison, ouais. Je pense que j'appelle Fun Radio depuis plus longtemps. Non, mais donne-lui pas de fausses explications. C'est quand le téléphone a sonné, tu sais, quand il sonne, ça écrit Gérard dessus. Et donc, tu préfères aller à la montagne ou à la campagne? Laurent, j'oubliais. Ouais, donc, comme on a vu que c'était Gérard, on a raccroché directement. C'était avec question de caramel. Tu t'es parfumé à quoi, Gérard, ce soir? De nulle part. Au Pacifique. Et à l'Antarctique et à Darnay Dawidson que je remercie. J'embrasse pour moi Dawidson. Eh Gérard, il fait les mélanges. Ouais, il vient de se parfumer en rajoutant de son truc pourri pendant la pause. Là. Gérard, il faut se laver avant, on te l'a pas dit, mais. Tiens, collectionneur de temps. Mais il faut se laver avant quand même. Allez, troisième question. Ouais. Bah, la troisième, c'est. C'est quoi? Emmenez-vous votre chien ou chat? Mais c'était pas ça. Non, mais pour l'instant, c'est moi qui commande. Maintenant, c'est moi qui commande. Non, attends, tu la fermes. Tu vas casser. De toute façon, les chiens et les chats, ils ont pas besoin de vacances. Tu la fermes. Attends, mais Gérard, les chiens et les chats, ils ont pas besoin de vacances. Stop. Alors, attendez. Je viens d'entendre une question. Non. Je viens d'entendre une question qui m'a pas fait plaisir. Pensez-vous que Gérard est intelligent? Non. C'est qui a osé dire qu'attacher son chien ou son chat sur le bord de la route? C'est Caramel. Alors allez-y. Alors le mec qui attache. C'est dégueulasse. Attendez, le mec qui attache une bête sur le bord de la route. Ouais, c'est comme si qu'il aimait pas les animaux. Alors dans ces cas-là, si on n'aime pas les animaux. Non, Gérard, stop! Gérard! Oui! Écoute-moi, moi, Gérard. Oh, Caramel, dégage. Caramel, dégage. Caramel, tu dégages. Non, mais dégage pas Caramel. Caramel, tu dégages. Gérard, j'ai quatre bergers allemands. Ça y est, il est parti, ça y est. Tu n'hurles pas, c'est pas la peine. Gérard, nous, on aime les animaux. Nous, moi aussi. Et Gérard, écoute-moi. Moi, j'ai quatre bergers allemands. Et j'ai voulu faire comme les chiens de traîneau, là. Je les ai attachés au pare-choc. C'est pour me tirer dans Paris. Et puis, ils sont tous morts. Et ça te fait rire? Bah ouais, un petit peu quand même. Et Gérard, je peux te poser une question? Mais frère de ta connerie. Gérard, il y a Laura sur Minitel qui te propose une question à poser. Quand vous partez en vacances, emmenez-vous vos bagages? C'est en gros le même style que tes questions, quoi. Non, mais attends, si tu pars en vacances, t'emmènes des fringues pour te changer à ce que je sache. Et je sais pas, ça ressemblait à tes questions. Moi, je sais que quand je pars en vacances, s'il fait beau, je pars en t-shirt et en short. Ouais, mais toi, t'emmènes pas de bagages pour te changer. Non, mais attends, moi, dans un sac, je mets simplement des t-shirts. Gérard, de toutes les couleurs. Gérard, tu préfères les couleurs, Gérard, stop. Jean-Paul, j'ai une question. Non, Bob d'abord. Est-ce qu'on peut en non, Bob, tu la fermes. Il y a pas que les chiens, les chats. Bah oui, Karen qui me pose une question. Mais merde, il y a pas que ça qui parle. Non, Karen, pose ta question. Non, laissez parler Karen 10 secondes. Allez. Oui, donc je disais que j'emmenais mon hamster. Il y a pas que les chiens et les chats. Moi aussi j'emmène mon cochon d'Inde, il s'appelle Gérard et je l'ai piqué à quelqu'un que tu dois bien connaître. Et moi, Alan, j'emmène mes deux serpents et n'est-ce pas, Patrick? Oui. Mais ça vous fait marrer, là, vos conneries, là? Non, non, je rigole pas. Gérard. Non, mais attendez. On est carrément sérieux, hein? Oui, mais carrément sérieux, non, Gérard. Non, mais la question... Pourquoi qu'on rigole là-dessus? Il n'y a pas que les chats et les chats comme animaux. Bah, c'est vrai, il y a les cochons d'Inde, alors. Ouais, moi, j'ai deux serpents. Les bigales. Stop. Ouais, stop. On l'enroule et on le met dans la main. Punaise, ils vont la fermer. T'as demandé à ce que Caramel parte. Caramel est parti. On accueille Derek qui est apparemment photographe donc pendant les vacances. Ouais. D'accord. Gérard, j'ai une question très rapide, Gérard. Salut, Derek. Gérard, ça va m'écouter. Salut, Derek. Laissez Tony poser ça. Patrick. Gérard, putain, non. Mais Gérard, écoute-moi. Laissez Patrick. Allez, Patrick, vas-y. Ça fait deux ans que j'appelle Fun Radio, je suis désespéré. Ah, Gérard. Patrick, il est en train de donner... à manger à son cochon d'Inde. Ouais, qui s'appelle Gérard. Bon, allez, c'est bon. Je pense que... Gérard, je pense que... Gérard. Oh, tu la fermes, s'il te plaît. Gérard, est-ce que ton chat t'a déjà emmené en vacances? Non, toi, tu dégages. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Tu te sens bien pour faire ton petit pipi, quand même. Ouais, non, mais bonne nuit. Non, il le laisse au bord de la route. Tu lèves la patte. Hé, Gérard, t'as des animaux? Oh, putain, la vie. Il pisse dans la cabine. As-tu des animaux, Gérard? Gérard, réponds, s'il te plaît. Non, mais attends. Déjà, les deux connards qui arrêtent pas. Ils vont dégager. Oui, mais Gérard, ils vont dégager. Écoute-moi. Non, mais attends. La nana qui veut me parler depuis tout à l'heure, je voudrais bien qu'elle pose cette question. Oui, mais regarde, Gérard, elle t'a posé une question. Non, pour l'instant, si elle l'a posée, je l'ai entendu. Deux connards. Mais non, mais tu réponds pas. Si tu réponds pas, ça fait des blancs. Donc eux, ils ont le droit de parler. Donc tu parles. Gérard, tu vas être content parce qu'on va avoir une majorité de nana puisqu'à la place de Bob, on a Gégette. Et ben voilà. Gégette. Super, comme par hasard, comme par hasard, c'est la Germaine. Caramel. C'est pas Germaine, c'est Gégette. C'est ma faute. Non. Allez. Moi, Caramel. Salut. Ah ouais, salut, c'est moi Caramel. Vas-y Gégette, tu peux parler. Gérard, juste une question très rapide. Préfères-tu les chiens ou les chats? Ouais. Les chats. Les chats, moi aussi. Raciste, tu préfères les chats. Moi, je préfère les chats, Jean-Paul. Karen? Non, mais attends, Jean-Paul, pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse. C'est la bah oui, mais elle me pose une question. Non, mais attends, c'est pas toi qui a posé la question, c'est à moi, d'accord? Elle a dit qui préfère les trucs, donc elle s'adresse à tout le monde, Gérard. Gérard, t'as combien de quand elle dit qui est-ce qui, elle s'adresse au groupe, Gérard. Qui est-ce qui, pour l'instant? Bah, tu devrais réviser tes bleds, Gérard. Ouais, bah, attends, toi, tu avec tout ce que t'as reçu, là. Là, pour l'instant, vous la fermez, d'accord? Gégé, est-ce que t'emmènes ton Adidas en vacances? Oui. Ah, tout le temps. Ah, tu laisses pas au bord de la route, celui-là? Non, je suis pas comme certains qui abandonnent leur bête au bord de la route. Non, toi, tu gardes ton Adidas avec toi tout le temps. Mais quel rapport Adidas, c'est le nom de ton chien? De quoi? Adidas, c'est le nom de ton chien, parce que je vois pas le rapport. Non, mais attends, c'est le parfum, d'accord? Ah, c'est le parfum? Ouais, le nouveau parfum, ouais. Ah, d'accord. Adidas. Et ça lui est fidèle comme son chien, justement. Ouais. Non, Non, ça, attends, j'ai pas de chien, d'accord. Eh, Gérard, c'est vrai que l'Antarctique, c'est un parfum pour femmes. Hein. Non. C'est un peu infidèle, comme non, c'est un après-rasage avec l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un parfum pour femmes. Non, c'est un après-rasage. C'est de l'après-rasage ou de l'eau de toilette. Eh, j'ai juste un après-rasage pour femmes. Ouais, c'est ça. Parce que tu traces. Attendez, non, mais attendez, vous. Là, tu me fais rire, toi, celle qui vient de dire ça. Alan. Ah, non, non. Allez, c'est marqué dessus. Allez, Gérard. C'est qui? Non, mais attendez. Non, attendez. C'est qui la nana qui osait dire que c'était du parfum? Gérard, non. Non. C'est Christine. Quoi? C'est toi qui sens l'Antarctique, là? Oui, c'est moi. Pourquoi ça t'emmerde? Non, ça m'emmerde pas, mais ça en peste. C'est bon pour les chiottes, quoi. Attends, Gérard. Exactement. Gérard, putain, je sens de Marseille, là. Mes animaux. Ah ouais, moi j'habite à Marseille, je suis en de Marseille, quoi. Putain, ça sent fort. C'est ça, c'est ça. Bon, allez, c'est bon. Alors, partez-vous à la mer ou au camping? Pardon, tu peux répéter la question? Moi, je pars au camping. Non, mais attendez, faut pas se foutre de ma gueule. Au camping? Vous avez très bien compris la question. Ta gueule. Bonjour, tu peux répéter la question? Mais non, ça fait trois fois que je la pose. Tu partirais où? Gérard, non, à la mer. Et pas au camping. Pourquoi tu veux partir à la mer? Gérard, il est dans ta cabine. Non, Gérard, tu pars où? À la mer. À la mer, mais pourquoi, Gérard? Pourquoi la mer? Parce que quoi? Ça, c'est là qu'on peut mieux qu'on puisse bronzer le mieux. Non, qu'on bronze le mieux et qu'on peut mater les nanas. À quel âge t'as vu la mer, Gérard? Attends, toi, je te répondrai pas à ta question, d'accord? Parce que c'est une question pour. Gérard, tu aimes les films de gladiateurs? Non. Eh, mais Gégé, si tu pars à la mer quand tu vas dans l'eau, tu sentiras plus l'Antarctique et tu seras plus Gérard. Gérard. Mais si, Gérard, c'est incorporé dans le. Il met tellement d'Antarctique que de toute façon il va parfumer la mer. Mais oui, ce que je te dis, c'est incorporé. Ça va faire une marée noire. Comme l'eau des chiottes. Eh, Florent, ça va faire une marée noire. Eh, Gérard, c'est. Attends, eh. Et celui qui s'amuse à dire que je vais faire une marée noire, toi, tu ferais mieux de la fermer parce que je sais pas du quel côté que t'es, mais. Moi, je suis de ton côté. Ouais, c'est ça. Alan, je peux parler? Je peux parler, c'est Alan. Vas-y. Caramel. Ouais, vos gueules un peu, là. Je m'appelle pas Caramel. Gérard. Mais il est séparé, Alan. Gérard, tu parfumes même tes animaux? Oui, même moi. Parfumes-tu tes animaux, Gérard? Non, je viens de te dire. Ok. Ah, non. Tu les laves? Non. Ouais, ça se lave pas. Bah, il y a des chats qui aiment l'eau. Gérard, est-ce que tu laves tes slips à la mer? Stop. Il y a une question sur Minute à la mer. Non, il y a Derek, je crois, qui a posé une question. Est-ce que tu laves tes slips à la mer? Non, pas de slip, il peut pas les laver. Eh, Gérard, heureusement que la mer, c'est gratuit. Question 2. Est-ce que tu pars avec une valise à la mer? Avec sa mallette, Fun Radio. Ouais, voilà. Et Gérard, c'est quoi ta crème à bronzer? Avec sa valise de poème. Moi, j'ai aucune crème à bronzer. Non, mais Gérard, question très intéressante sur Minute. Non, mais s'il a fermé. Le Père Noël a posé une question très intéressante. Est-ce que tu vas en camp de naturiste? Non. Oui, pourquoi? Dommage. Parce que Gérard, on a des photos. Gérard, on t'a vu. On a déjà vu assez d'horreurs comme ça à la guerre. C'est ça. C'est Derek, Gérard. Est-ce que tu, dans les camps naturistes, tu peux créer plus facilement poèmes? De quoi? Est-ce que tu as des inspirations dans les camps nudistes pour les poèmes? Non. Tu dois écrire poèmes camp naturiste? Non. Tu vois, tu comprends mieux. Est-ce que tu as plus d'inspiration de nu? Non. Et Gérard, tu vas avec elle à la Gérard, place. Gérard, est-ce que tu bois une bière ou deux bières? Est-ce que tu t'es déjà mis nu? Plus. Comment? Est-ce que tu t'es déjà mis nu? Attends, déjà. Qui est mongol? Non, mais attends. Déjà. Celui qui s'amuse à poser. Stop! Celui qui vient de poser cette question. Tu vas aller voir au standard parce que vous êtes deux derrière, j'aime pas ça. Parce que vous êtes deux. Caramel. C'est bien. Alors, Caramel, tu dégages. Hop, bonne nuit, Caramel. Caramel, tu dégages, vous êtes deux. Ouais, Gérard, t'as caramel. Que des filles à l'antenne, hein. Ouais, Gérard, on va aller voir beaucoup mieux. Non, moi, je veux Caramel. Non, mais moi, je veux pas. Gérard, il faut faire honneur aux filles si tu veux qu'elles soient avec toi. Gérard est-il responsable du trou dans la couche d'ozone avec son Adidas? Oui. Bonne question écologique. C'est évident. Non. Moi, je crois que c'est une hypothèse scientifique. En tout cas, je sais pas pour le trou dans la couche d'ozone, mais le trou de Gérard, pour moi. Le trou dans la loco. Bon, alors c'est bien celui. Alors maintenant, c'est simple, vous allez faire une chose. Tous les mecs, vous allez dégager, vous commencez à m'énerver. Ouais. Là maintenant, je veux plus un seul mec. Ouais, cool. Allez. Comme ça, je vais être tranquille. Ça y est, ils sont partis. Ouais, genre, bien envoyé, ouais. GG? Oui. Bah, Caramel? Non. Ah, tu fous l'ambiance, bordel? Non, mais attends, c'est pas toi qui commande, d'accord? Ouais, c'est moi qui commande. Pourquoi Alan c'est toi qui commande? Alan qui commande d'abord. Ouais, non, mais attendez, pour l'instant, c'est pas vous qui menez les débats, d'accord? Gégé. Ouais, Gérard, ouais, bien envoyé, ouais. Bon, continue ton débat, Gérard, maintenant, s'il te plaît. Donc, emmenez-vous, pour ceux qui sont mariés parmi ce qui nous reste, à part ceux que j'ai envoyé balader, mais c'est pas grave. Alors, êtes-vous mariés? Est-ce que. Non. Est-ce que vous partez? Non, bah, change de question, ils sont pas mariés, Gérard. Non, mais emmenez-vous vos enfants avec vous. Bah, on n'est pas mariés, enfin, non, je mais... sais pas. Bah, oui, moi, des gosses, moi je suis mariée, j'ai trois enfants, j'ai... Ouais, ils viennent avec moi tous. Qui? Alan, non. Mm-hmm. J'ai trois enfants, ils ont tous les trois 3 ans, donc ils viennent tous avec moi. Non, mais attends, t'as quel âge, Alan? Bah, j'ai 26 ans. 26 ans? Bah, ouais. Et t'as trois enfants? Eh ouais, ils ont tous les trois 3 ans. Bah, disons. C'est cool, hein? Ouais, tu les as eu de bonheur, mais... Bah, 23 ans. Hein. Ah ouais, t'imagines. Bon, je suis pas sûre que ça soit le débat, et pour reprendre le débat, on accueille déjà Anthony. Oui, bonsoir. Et Buffalo. Bonsoir, Gérard. Je croyais qu'il y avait plus de mecs. Mais nous, on est sérieux comme mecs. Bah, il faut des mecs aussi. Mais... Attends, vous êtes déjà 3 nanas et 4 nanas. Mm-hmm. Voilà. Et déjà 2 mecs. Je trouve que Gérard, j'ai fait très fort ce soir pour le standard. Merci. Donc, Merci. Hein. Non, mais attends. Gérard, j'étais tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que les mecs d'avant, là, c'était des gros cons. Ouais. Ouais. Et j'aimerais que tu mènes ton débat. Gérard, voilà. Tu peux faire une bise à la caille pour avoir passé 2 mecs. Ça non, mais attends. Sympa. Ça, c'est de ma part. C'est Buffalo. Merci, fais une bise à la caille. Non, mais ça, n'ayez crainte. Elle sait très bien que je la remercie. Et de toute façon, t'as demandé de lui faire une bise, pas de l'emballer. Hein. Ouais. Non, mais attends. Déjà, c'est pas le thème du débat. C'est pas. Est-ce qu'on emballe les nanas ou pas? Ouais. Ok. Ouais, on est en débat là. Ouais, bien envoyé, on est en plein dans le débat, super. Ouais, bah ouais. Donc alors maintenant, la question c'est, est-ce que vous emmenez vos enfants avec vous ou pas? Bah non, j'ai pas d'enfants. Si j'en avais, je les emmènerais. Moi, si j'en avais, je les laisserais au bord de l'autoroute. Voilà. Attends. Gérard, est-ce que t'emmènes ton mec en vacances? Je suis pas au moins. T'emmènes ta meuf? Gérard. Attends, celui qui a... Attendez. Il y en a un qui a posé une question, qui m'a répondu. Oui. Non, mais je suis désolé, une question con. Alors, tu viens de dire... Dégage. Gérard. Non, mais attends. Il a dit, j'emmène mon môme, mais je le laisse sur le bord de l'autoroute. C'est pour déconner, GG. Non, mais attends. C'est pas des chiens, les gars. Non. Attendez. Dans ces cas-là, attends. Même le chien, les gars. Non. Ouais, déjà, attendez. Déjà, celui qui s'amuse à abandonner... Que ça soit une bête ou un môme sur l'autoroute, pour moi c'est dégueulasse. C'est inhumain. Buffalo. Buffalo. Je voulais dire sur ce sujet que c'est pas grave si il emmène son gamin mais qu'il laisse son chien. Non mais attends, dans ce cas-là. S'il laisse sur le bord de la route le gamin, c'est pas grave tant qu'il emmène le chien. Ça coûte cher quand même. Non mais attends. C'est toi qui les paye les boîtes de pales. Non mais attendez. Attends, faut quand même être correct. Ouais. Si on a un animal, on l'emmène avec lui, sinon on n'en prend pas. Si on veut, si on a des gamins, les gamins, on les emmène avec nous en vacances, on les laisse pas traîner n'importe où. Et alors, si j'ai envie de faire bouffer à mon gosse du pal. Ouais, mais attends. Dans ce cas-là, mon pote, t'es pas humain. Ouais, bien envoyé, ouais. Mais tu t'es retrouvé au bord de la route? Oui, je me suis retrouvé au bord de la route, pourquoi? Ah, c'est pour ça. Il y a un truc urgent sur Minitel. Non, je m'en fous. Est-ce que t'as déjà abandonné ton odeur au bord de la route? Non. Jamais, tu gardes toujours ton odeur avec toi, tu l'abandonnes jamais au milieu de la route. Non, mais attends, maintenant je vais répondre. Alors celui qui m'a demandé si j'avais fait du stop ou autre, oui, j'ai fait déjà du stop. Buffalo. Alan. Gérard, tu t'es fait écraser à quel âge, Poilou? Non, mais attends. Là, mon pote, ta question, elle est con, ok? C'est pas drôle, mais je te demande, c'est une question comme ça. Hein. Non, mais moi, je vais te dire une chose, j'ai déjà fait du stop et je sais ce que ça vaut. Ça vaut quoi, Gérard? Hein? Ça vaut que tu restes pendant des heures et des heures à attendre que quelqu'un te prenne. Ah, ça, okay. ça dépend des gens, Gérard. Gérard, tu fais du surf quand tu vas à la mer? Non, mais attends, toi, ta question, je t'y répondrai pas, d'accord? Ouais, j'ai fini la question qu'on a posée. Ah, mais c'est pas le débat. Gérard, ce n'est pas le débat. Moi, j'aimerais que tu reprennes le débat. Stop! J'aimerais que tu reprennes le débat et on a Marcel aussi qu'on accueille à la place de Jean-Paul. Salut Marcel. Salut Gérard. Salut Marcel. Salut Gérard. Salut Poulette. Salut Gérard. Salut Poulette. Salut. Reprenons le débat. Salut. Bon, salut. Et ton débat, on en est à je sais plus la combientième question, mais ça serait cool que tu la poses. Salut Gérard. Bon, ça y est. Répète ta question, s'il te plaît. Non, mais ça y est, c'est ce que vous emmenez vos enfants, donc comme tout le monde n'est pas marié, donc... Oui, Alan, elle est mariée. Hein. Bon, bah d'accord, Hélène. Alan, on a très bien compris. Voilà, je suis mariée. Bon. On passe à une autre question. Bah, maintenant, ça va être un autre débat. Ouais, là, un autre débat. Là, on va. Avant, mettre un disque, quand même, peut-être. Ouais. Mais dis quand même. David et Jonathan. Pose des questions et. Alors là. Annonce le débat un peu et pose les questions. Là, la première question, c'est une question qui va s'adresser spécialement à toutes les nanas qui nous écoutent et qui ont des copains, qui ont des problèmes de santé ou qui ne veulent pas manger. Pourquoi qu'elles nous forcent à manger si on n'a pas faim? Pourquoi? C'est une question d'actualité. Oui. Mais quoi, moi, j'ai quoi? T'as pas d'autres questions sur les vacances? T'as pas des questions sur les vacances? Ça serait peut-être mieux. Ouais. Non. Je pense qu'avant de passer à le débat, il faudrait que tu nous fasses une conclusion sur les vacances en disant si tu comptes partir, où tu comptes partir, avec qui tu comptes partir. Et quand tu comptes partir. Non, et quand tu comptes partir. Parce que, attends. Surtout le nom avec parce qui que, tu veux partir. Non, parce finalement, que les gens, on sait rien de toi. Les gens demandent tous où va Gérard et quand pour pas qu'on y aille. Donc, Gérard. Il va aller au local Gérard, faire sodomiser. Et pour combien de temps tu comptes partir? Bon, pour l'instant, vous la fermez. Je vais répondre aux deux questions, à la question qu'on vient de me poser par l'intermédiaire du standard, c'est-à-dire Julie. Donc, je ne pars pas en vacances. Donc, je reste chez moi. N'écris pas, t'es faux. Non, elle est plus à l'antenne. Tu restes sur plage. Voilà. Tout, si vous êtes encore à l'antenne. Ah bon? Eh ben, t'emmènes ta cabine. T'emmènes-tu ta cabine en vacances? Ouais, il a greffé des roues. Question, réponse. Réponds, Gérard. Il a un téléphone sans fil. Attends. On lui a offert pour son anniversaire. Oui, c'est ça. Alors, qui c'est qui vient de dire que j'avais un téléphone sans fil? Non, mais Gérard, réponds à la question. Alan, réponds à la question. Est-ce que t'emmènes ta cabine? Non. T'abandonnes ta cabine au milieu de la route. T'abandonnes ta cabine au bord de la route, Gérard. Oh, t'as pas honte? Non, t'abandonnes ta cabine au milieu de la route de l'autoroute. Non, mais attends. Ah là, c'est dégueulasse. Non, mais attends. Ah là, c'est dégueulasse. Non, mais attends. Là, je préfère laisser une cabine qu'abandonner un chien ou. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Gérard, il a son tatou. Tu as abandonné de cabine? Gérard, dégueulasse. C'est chien, Gérard. Non, mais voilà. Tu es enculé par un chien. Alors, c'est GG. Oui. Donne-nous ton numéro de tatou. Non. Ouais. Non. Vas-y. Allez, GG. Non. Allez, vas-y. 06, 06. Bon. Allez, lâche le numéro. Allez. Non. Lâchez l'adresse de GG. 06, 06, 52. 06, 52. 57. 80. 80. Ouais. Ah, c'est cool. C'est bien. Ah, super. C'est bien. C'est qui vient de dire ça? C'est qui vient de donner ce numéro? C'est les filles, c'est les filles. Nana. C'est les filles. Attendez, là, je viens d'entendre une voix de nana. Dans ce cas-là, la petite pétasse qui a donné le numéro. La pétasse qui a donné ce numéro-là. Tu vires, tu dégages. On vire les pétasses, on met que des mecs maintenant. Ouais, la pétasse qui a donné mon numéro, tatou. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages, pétasse. Ouais, pétasse. Espèce de salope. On verra c'est Christine. Non, Gérard, on n'envoie pas la musique, tu t'excuses tout de suite. Que tu viens. Tu t'excuses. Non. Tu t'excuses. Non, j'ai pas à m'excuser parce que la salope, elle a donné mon numéro à l'autre. Il y a des questions que je m'excuse. Il est hors de question que je m'excuse. On l'entend plus. Sur une nana qui donne mon numéro à l'antenne. Gérard. Tu ne mettras pas à genoux. Tu vas te calmer. Non. Non, je suis désolée. Tu m'écoutes. Tu vas te calmer déjà. Gérard. Et tu traites pas les filles de salopes. Gérard. Bah dans ce tu ne traites pas les filles de salopes. Non, mais elle, elle t'a pas donné mon numéro. Ok. Ton numéro. C'est clair et net. On s'en fout de ton numéro, Gérard. Oui. On s'en fout de mon numéro, mais c'est pas lequel qui l'a dit toute la nuit. C'est moi. Oui, bien sûr. Tu te calmes et c'est pas la peine de lancer des insultes parce que sur premier, moi, je te mets plus de nana à l'antenne. Eh ben. Que des mecs. Gérard. Dans ce cas-là, repose-toi, mon ami. Je pense que mon ami. Dans un quart d'heure, alors, ça va être terminé. Tu vas faire le deuxième débat, on va mettre de la musique. Je m'entends. Et on y va. Mesdames, messieurs, le disjockey...